still dead, Mark? Je suis punk, de Caroline de Cargario. Sommes-nous punk? Sommes-nous toujours les Sex Pistols? Malcolm McLaren a contribué à lancer la musique punk et la mode punk. En 1977, il est manager des Sex Pistols et styliste pour la boutique Sex qu'il tient à Londres sur King's Road avec sa compagne Vivienne Westwood. Depuis ses années d'étudiant, il caresse un rêve secret, tourner des films, ce qui lui tient beaucoup plus à cœur que la musique. Il a l'intention de faire un long métrage sur les Pistols et c'est à Russ Meyer qu'il a pensé pour le réaliser. Après avoir filmé le débarquement en Normandie puis les camps de concentration nazis quand il était dans l'armée, le réalisateur américain est devenu spécialiste du porno burlesque avec actrices aux poitrines surdimensionnées. Dans un premier temps, Russ Meyer jette directement le script de McLaren à la poubelle et s'offusque du budget qu'il trouve ridiculement bas. Il finit néanmoins par accepter de réaliser le film, à condition de travailler avec Roger Ebert, son scénariste habituel. Pressé de faire avancer ce projet, Malcolm McLaren a quitté Londres le 3 juillet 1977, le lendemain de la sortie du troisième 45 tours des Sex Pistols, Pretty Vacant. Il a donc lâché la bride à ses poulains. Or, l'un d'eux est nettement plus ombrageux que les autres. Johnny Rotten a accepté le 16 juillet de participer à une émission de Capital Radio. Il y programme plusieurs disques de sa collection personnelle. Des choix qui ne pourront qu'attiser la mésentente déjà palpable entre le chanteur et son manager. Johnny Rotten déclare aimer toutes sortes de musique. À son retour de Californie, Malcolm McLaren découvre cette interview avec horreur, le mythe du punk inculte, techniquement incompétent et ennemi de toute sophistication, est mis à mal par la contribution de Johnny Rotten à cette émission. Il a même passé de la musique progressive. Ulcéré, Malcolm McLaren préfère se focaliser sur son film. Russ Meyer arrive à Londres avec une huitième version du scénario. Il a fini par se persuader que, de ce film à propos des Sex Pistols, il va réussir à faire « A Real R.M. Film », un véritable film de Russ Meyer. Johnny Rotten déteste au premier regard ce quinquagénaire américain donneur de leçons. Et pourtant, Russ Meyer est animé des meilleures intentions à son égard. Il s'émeut même de la maigreur du jeune homme. « On dirait que vous n'avez pas mangé depuis une semaine », s'exclame le cinéaste, dont la silhouette replète est celle d'un homme bien nourri. « Cet enfoiré de McLaren ne me donne pas une thune. Je dors à l'asile de nuit », explique le chanteur des Sex Pistols à l'Américain ébahi. Russ Meyer fonce immédiatement vers un steakhouse, commander les plus grosses entrecôtes jamais vues dans un restaurant londonien. L'album tant attendu des Sex Pistols sort enfin en octobre 1977. Il est heureux pour le groupe d'avoir cette actualité discographique, car le film Anarchy in the UK, entre-temps rebaptisé Who Killed Bambi, a manifestement capoté, du moins avec Russ Meyer. Celui-ci Là d'attendre en vain les paiements promis par Malcolm McLaren, lequel a décidément des oursins dans les poches, a repris l'avion vers sa Californie. Le manager des Sex Pistols va devoir chercher un autre réalisateur, de préférence quelqu'un qui travaillerait pour rien, ou au moins pour pas cher. Cela tombe bien. Un jeune étudiant, Julian Temple, filme les Sex Pistols depuis leur début. Un étudiant, ce n'est pas comme un vieux cinéaste, c'est plus malléable. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols, n'admet pas une traduction évidente en français. On irait spontanément vers « on s'en bat les couilles », mais on aurait tort. La traduction serait plutôt « fais pas attention à ces conneries, voici les Sex Pistols ». Le titre de l'album va encore créer la polémique à cause de l'emploi du mot « bollocks ». Réagissant immédiatement, les autorités attaquent pour publicité indécente. L'avocat de Virgin, spécialisé dans les affaires d'obscénité, va se régaler à infliger un cours de linguistique au juge, lequel, sans cacher son déplaisir, est contraint de rendre un jugement en faveur du groupe. Les critiques voient dans l'album des Sex Pistols l'émergence de la musique de demain. Il est inopportun de lui appliquer les critères habituels, pense le journaliste de Rock en Stock. Parler de technique de mélodie ou de toute autre chose du même genre serait ici parfaitement déplacé. Cette musique, on la reçoit en entier et en pleine gueule, ou on la rejette totalement. Fait exceptionnel, Rock and Folk consacre 4 colonnes à la sortie de Nevermind. L'auteur de la chronique, Hervé Muller, partage entièrement l'avis de son confrère. On se fout éperdument que les Pistols soient punk ou autre chose. Ce qui compte, c'est qu'ils soient les Pistols. Non seulement ils dominent de la tête et des épaules les meilleurs groupes de la New Wave, mais surtout ils sont à part. Si l'année 1977 a été mouvementée, que dire de 1978 ? Elle démarre en fanfare avec la séparation des Sex Pistols. La tournée américaine du groupe a commencé plus tard que prévu à cause d'un problème de visa. Les USA n'aiment pas accueillir des délinquants sur leur sol. Plusieurs dates sont annulées. Ne restent que les concerts dans le Sud. Le Sud, cette contrée remplie de cow-boys, adeptes des vertus ancestrales de la virilité, des jeunes hommes bourrus qui ont rarement fréquenté une école d'art. Y faire passer les Sex Pistols revient à organiser une partie de ball-trap avec eux dans le rôle du pigeon d'argile. Par ailleurs, l'ambiance dans le groupe s'est encore dégradée. Johnny Rotten avait fait venir Sid Vicious pour avoir un ami dans la place. Il semble qu'il ait fait un mauvais calcul. Il ne le supporte plus. Bien que Sid Vicious ait une pratique très fruste de son instrument, il est en train de devenir l'icône du punk, son image emblématique. Torse nu et tailladé, il s'offre à son public en Saint-Sébastien, dédaigneusement indifférent à son sort. Il ne fait pas grand-chose si ce n'est d'être là. Et cela suffit pour piquer la vedette à un chanteur beaucoup plus actif dans l'échange avec la salle. Johnny Rotten est donc en train de perdre la suprématie dans le groupe, et cela ne lui plaît pas. Après le dernier concert de la tournée, le 14 janvier à San Francisco, au Winterland, Johnny Rotten va passer la nuit à essayer de convaincre Steve Jones et Paul Cook de se séparer de Malcolm McLaren. Sans succès. C'est le chanteur qui se retrouve finalement isolé du reste du groupe, logé dans un autre hôtel, puis abandonné sur place sans un sou. Sid Vicious, lui, tombe dans le coma dans l'avion qui le ramène à New York, alors que Steve Jones et Paul Cook s'envolent pour Rio. Pourquoi Rio ? C'est que Malcolm McLaren a un plan, enregistré avec Ronald Biggs, l'un des responsables de l'attaque du train postal. En 1963, l'équivalent de 60 millions d'euros en billets retirés de la circulation pour être détruits sont détournés par une vingtaine de malfrats. Un exploit qualifié de coup du siècle. Arrêté et condamné à 30 ans de prison, Ronald Biggs réussit à s'échapper après quelques mois de détention. Au début des années 70, il se retrouve sans un sou à Rio de Janeiro. Malcolm McLaren lui fait enregistrer deux morceaux. Une bonne occasion pour un manager qui avait très mal vécu l'emprise croissante de Johnny Rotten sur son groupe de montrer que n'importe qui peut être un Sex Pistol. L'un de ces morceaux, déjà interprété par Johnny Rotten, s'intitule « Belson was a gas », un jeu de mots impossible à traduire en français. Bergen-Belsen est un camp de concentration nazi. Gas fait naturellement référence au gaz qui a servi à exterminer les juifs. Mais en anglais familier des années 60-70, il a aussi le sens de grand. Aussi peut-on traduire « Belsen was a gas » par « Belsen, c'était le pied ». Il s'agit du seul morceau jamais écrit par Sid Vicious. « Belsen, c'était le pied », ai-je entendu l'autre jour. Dans les tombes ouvertes où les juifs gisaient tous. La vie est super et j'aimerais que vous soyez ici. Écrivait-il sur les cartes postales qu'ils envoyaient à leurs proches. Inutile de préciser que le morceau fait polémique. On pourra ajouter que la musique elle-même est glaçante. Le chant de Johnny Rotten sonne lointain et voilé, comme s'il s'époumonait d'outre-tombe. And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway exact much more than this. I did it my way. Si l'essai avec Ronald Biggs ne donne rien, Malcolm McLaren n'a pas renoncé pour autant. Un chanteur, ça se trouve, et même ça se retrouve. Une centaine de candidats sont auditionnés, dont l'un des jeunes frères de Johnny Rotten. Le 12 octobre 1978, Nancy Spungen, l'égérie de Sid Vicious, qui lui avait fait découvrir l'héroïne, est retrouvée poignardée à l'abdomen dans la salle de bain de la chambre du couple à l'hôtel Chelsea. L'arme appartient à Sid Vicious, qui venait tout juste de l'acheter. Interrogé par la police, il déclare ne se souvenir de rien. La nuit a été mouvementée, avec un défilé de dealers venus livrer la marchandise commandée par Nancy. Sid est emmené par la police et présenté dès le lendemain au tribunal. Libéré sous caution le 17, il s'empresse de faire une tentative de suicide. Je veux être avec Nancy. Je veux qu'on me laisse tranquille. Dès le 15, Vivienne Westwood a sorti un t-shirt avec un portrait de Sid Vicious entouré d'une couronne de roses fanées et le slogan « She's dead, I'm alive, I'm yours ». Elle est morte, je suis vivant, je suis à vous. Le motif est de la même veine que ceux des précédents t-shirts vendus par la boutique. Malcolm McLaren a beau dire qu'il s'agit seulement de récolter de l'argent en vue de la défense du bassiste, la provocation et le mauvais goût font intrinsèquement partie du punk. De son côté, depuis la séparation du groupe, Johnny Rotten n'a pas perdu son temps. D'abord, il a changé de nom. Ce n'est pas une volonté de sa part, mais une conséquence de la prétention de Malcolm McLaren à être propriétaire de l'appellation Rotten. Aussi a-t-il été contraint de revenir à son état civil. Désormais, il est John Lydon. Avec Ja Wubble, son ami de toujours, il a formé PIL, Public Image Limited, une allusion à l'exploitation de son image par la presse durant la période des Sex Pistols. Signé par Virgin, le groupe sort son premier 45 tours, Public Image, le 13 octobre, soit le lendemain de la mort de Nancy Spungen. Impossible d'imaginer meilleur timing. Même séparés, les Sex Pistols continuent à faire parler d'eux. Ceux qui attendaient de John Lydon une banale ressucée de son groupe précédent sont déconcertés. Le photographe parisien Pierre Benin n'en revient pas. Ce qu'on entend va au-delà de toute espérance. Une musique lancinante, répétitive, hargneuse bien sûr, mais surtout pénétrante et subtile. La voix même n'a plus rien à voir. C'est à peine si on reconnaît le timbre, le phrasé est plus net. Il chante beaucoup plus haut et d'une façon beaucoup plus dure. Profondeur, écho, voix geignarde provenant du fin fond d'une cave ou d'un parking souterrain, chaos métallique semblant produit par des ustensiles familiers détournés en vue de torturer quelqu'un, perceuse ou scie circulaire. Avec ce disque, John Lydon fait voler en éclats l'idée qu'il était la créature de Malcolm McLaren. Entre les Sex Pistols et Peel, tout est différent. Pas seulement la voix, ni la musique, ni l'orchestration, mais aussi l'image. Le visage même de John semble avoir changé. On y remarque une certaine ingénuité tout à fait séduisante. Une trace de candeur dans le regard. Une évidente pureté des traits qui contraste foncièrement avec les images du pantin épileptique qui nous restait collé à la rétine. Le 1er février 1979, Sid Vicious est libéré une deuxième fois sous caution. Cette fois, son séjour en prison lui a permis de se désintoxiquer. Le soir même, sa mère, Anne Beverly, organise une petite fête pour sa libération. Au menu, spaghetti bolognaise et héroïne. Le lendemain, il est retrouvé mort par overdose. La famille, toujours la famille. Il ne se voyait pas vivre au-delà de 25 ans, c'est gagné, il en a 21. Sid Vicious devient très vite l'icône absolue du punk. Sid and Nancy devenant le couple mythique, à la fois romantique et maudit, ce qui révolte littéralement le critique Nick Kent. Que ces deux affreux soient devenus les Roméo et Juliette de la fin des 70s est un concept que moi, et la plupart des gens les ayant connus, trouvons toujours difficile à comprendre. La cristallisation du couple punk dans l'inconscient collectif montre bien que le mythe l'emporte toujours sur la vérité historique, même quand l'histoire est très récente. Le 26 février, dans la précipitation, Virgin sort la bande-son du futur film de Malcolm McLaren sous le nom de « The Great Rock'n'Roll Swindle ». Il s'agit pour Richard Branson, le patron de Virgin, de prendre Barclay de vitesse avant que les imports de France ne soient disponibles sur le marché britannique. Il se vendra plus de 380 000 exemplaires de l'album, c'est-à-dire le double de Nevermind the Bollocks. Oh, 1980, le punk est considéré comme mort et bien mort, mais qu'en est-il des Sex Pistols? On dirait bien que leurs cadavres bougent encore. En tout cas, ils grouillent de charognards comme Jimmy Percy, ex-Sham 69, qui se verrait bien fonder un groupe avec Steve Jones et Paul Cook, un groupe nommé Les Sex Pistols, maintien. Le marché est alors inondé de morceaux piratés et aussi de faux, dont une partie provient de la petite usine de Dave Goodman, le premier ingénieur du son des Sex Pistols. Et les groupes tentant de tromper le public fleurissent. À côté des ex-Pistols, voici les Sex Pistols, qui sortent en novembre 1980 un 45 tours intitulé Good Old Arsenal. Derrière ce nom se cache Jimmy Lydon, l'un des cadets de John Lydon. La famille, encore la famille. Grâce au piratage de leurs morceaux, les Sex Pistols sont toujours présents en 1980. Mais pas seulement grâce à ça. Le 15 mai de cette même année sort enfin le film que le monde attendait, The Great Rock'n'Roll Swindle. Le résultat final est une ode à la gloire de Malcolm McLaren himself, le génial montreur de marionnettes. En 10 leçons, il enseigne comment tirer un maximum d'argent à l'industrie du disque. 1. Comment fabriquer votre propre groupe. 2. Créer le nom Sex Pistols. 3. Vendre l'escroquerie. 4. Ne jouez pas, ne vendez pas la mèche. 5. Comment voler autant d'argent que possible à la maison de disque de votre choix. 6. Devenez la plus grande attraction touristique du monde. 7. Cultivez la haine, c'est votre plus gros atout. 8. Comment diversifier vos affaires. 9. Apporter la civilisation aux barbares. 10. Qui a tué Bambi ? La presse ne se prive pas de souligner que Malcolm McLaren a la tête qui enfle dangereusement lorsqu'il se présente lui-même et parle du rôle qu'il a joué dans le groupe, celui d'un dieu créateur, rien de moins. Il démarre d'ailleurs le film en affirmant qu'il a inventé le punk rock. 16 ans plus tard, en 1996, une info ébranle le monde. Les Sex Pistols se reforment. Ils se haïssent toujours, mais Dixie John Lydon, nous avons trouvé une cause commune, votre argent. En effet, ils ont tous besoin d'argent, comme l'indique de manière transparente le nom de la tournée, The Filthy Lucker Tour, la tournée du sale fric, qui démarre le 21 juin. Le 23, ils sont à Londres, où 30 000 personnes les attendent au tournant. Que va donner sur scène le groupe mythique qui ne s'est pas reformé depuis 20 ans? La surprise est de taille. Le climat d'agressivité entre le groupe et son public fait place désormais au plaisir. Les Sex Pistols se réunissent encore en 2003, en 2007 et enfin en 2008. Cette fois, c'est la dernière. Ils ne tiennent pas le choc des rancœurs accumulées dans le passé qui ne demandent qu'à ressurgir. Do I buy country life butter because it's British? Exit les Sex Pistols. Mais John Lydon continue à faire parler de lui. Les puristes lui reprochent de participer à l'émission de télé-réalité « Je suis une célébrité, tirez-moi de là ». Ou encore de jouer les gentlemen farmers en costume de tweed, cabriolant dans la campagne pour la publicité du beurre Country Life. Leur ancien héros s'est vendu au veau d'or du commerce. Il a trahi l'esprit punk. Pourtant, John Lydon ne fait-il pas preuve de son habituel esprit d'irrévérence en assumant ce nouveau rôle ? Ne fait-il ainsi pas plus réagir que ceux qui continuent d'arborer la parfaite panoplie du punk, la même depuis 30 ans? Ce faisant, il rachète surtout son indépendance financière vis-à-vis de Virgin, auquel il reste lié par un contrat léonin. Après une quinzaine d'années de silence, en 2009, il peut enfin réactiver Peel, qui se produit à nouveau sur scène. Et en 2017, histoire de faire bondir encore plus les puristes, il annonce qu'il est prêt à défendre les couleurs de l'Irlande lors du prochain concours de l'Eurovision. C'était Je suis punk de Caroline de Cargario. 2. Sommes-nous punk ? Sommes-nous toujours les Sex Pistols ? Avec Elodie Hubert, Romeric Seguin, Mathurin Voltz, Sylvain De Guillaume, Vincent Bramoulet, Bartholoméo Boutelis, Aymeric Le Serre. Équipe de démolition, Emmanuel Chevrière, Éric Villenfin, Laetitia Delgado, Laure Chastain, Jean-Mathieu Zand. Nos futurs. Une histoire du punk de Caroline de Cargario est publiée aux éditions Perrin. Punk's Not Dead, à demain.